بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc toujours dans la traduction du livre تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام du Cheikh عبد الغني المقدسي رحمه الله et une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. Semaine dernière on avait entamé le chapitre de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et on avait expliqué le 79e hadith et entamé l'explication du hadith numéro 80 qui se propose pour nous réciter le 79e hadith qui est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anha. Fadal. صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة الثلاثة ثنيه قبل أن يقرأ قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي رأيت سجودك بين أرأيت أو أرأيت les deux sont autorisés. أرأيت سجودك بين التكبير والقراءة ما تقول ماذا أقول اللهم بين باعد اللهم باعد بين بين وبيني بيني وبين اللهم باعد بيني وبين اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أحسنت بارك الله فيك. Et le hadith de Aïcha radiallahu anha, vu qu'on n'a pas terminé l'explication, t'es pas obligatoire de l'apprendre sauf si certains l'ont appris. Fadal Bashir. عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة يستفتح الصلاة الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يفترش وكان يقرأ وكان يقول بين ركعتين في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقدة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أحسنت بارك الله فيك رواه مسلم وانفرد به. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الحديث ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله الدائمة حيث إن التعبير بكان يفيد ذلك. Ensuite شيخ محمد عبد الله البسام رحمه الله cite ce que l'on retient du hadith. Premièrement, ce que Aïcha radiallahu anha a décrit comme description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon habituelle. Car le terme qu'elle a utilisé radiallahu anha, kana rasulullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, ceci prouve que c'était ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon habituelle. ثانيا وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة وتعيين التكبير من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية. Deuxièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est l'obligation de dire takbiratul ihram. Takbiratul ihram, c'est ce takbir qui interdit, après l'avoir prononcé, toute parole ou tout acte qui vient contredire les paroles de la prière ou les actes de la prière, et qu'une autre formule, autre que celle-ci, ne peut prendre sa place et ne peut faire entrer dans la prière. Autrement dit, le takbiratul ihram, de dire Allahu Akbar au début de la prière, lorsque tu l'as dit, eh bien, les paroles et les actes qui contredisent la prière sont interdits, et c'est le takbir qui te fait entrer dans la prière. وَتَعْيِينُ التَّكْبِيرُ مِنَ الْأُمُورِ التَّعَبُدِيَّ وَهِيَ أُمُورٌ تَوْقِفِيَّ. Et le fait de spécifier le takbir est une adoration. On doit adorer Allah Azza wa Jal en disant le takbir de la prière appelé takbiratul ihram. Et le cheikh, ce qu'il veut dire, c'est qu'une autre formule ne fait pas entrer dans la prière. Celui qui, lorsqu'il entre dans la prière, dit subhanallah. Est-ce qu'il entre dans sa prière ou pas? Non. Pour qu'il entre dans la prière, il faut qu'il dise Allahu Akbar. Comme l'a dit Aïcha radhiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait sa prière avec le takbir. Thalithan, wujubu قراءة الفاتحة بدون بسملة ويأتي استحباب قراءتها سرا إن شاء الله. Troisièmement, l'obligation de lire sourate al-Fatiha sans dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et viendra par la suite la preuve qu'il est préférable de dire la basmala à voix basse. Et la preuve est que Aïcha radhiyallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait sa prière par le takbir et la lecture par Alhamdulillah. C'est-à-dire que ce qu'entendaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils priaient derrière lui à voix haute, ils entendaient Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils n'entendaient pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, al-basmala devra se dire à voix basse et cela sera prouvé dans des hadiths à venir inshallah. Rabi'an wujub ar-ruku' wal afdal fihi al-istiwa bila raf'in wa la khafd. Quatrièmement, l'obligation de l'inclinaison. Et que le mieux c'est que l'inclinaison soit faite de telle sorte que la tête ne soit ni abaissée ni relevée. خامسا وجوب الرفع من الركوع ووجوب الاعتدال في القيام بعده. Cinquièmement, l'obligation de se relever du ruku' et l'obligation d'être droit debout après s'être relevé de l'inclinaison. سادسا وجوب السجود ووجوب الرفع منه والاعتدال قاعدا بعده. Sixièmement, ce hadith, on en déduit l'obligation de faire la prosternation et l'obligation de se relever de la prosternation et d'être droit assis après la prosternation. Sabi'an وجوب التشهد بعد كل ركعتين فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده وإلا قام. Septièmement, l'obligation de faire le tashahhud après chaque deux unités de prière. Et si la prière est une prière de deux unités, alors il saluera après, c'est-à-dire après le tashahhud. Et sinon, il se lèvera pour la troisième unité de prière. ثامنا مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك، فقد وردت بذلك الأحاديث. والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء، لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. رواه البيهقي موصولا. Huitièmement, l'autorisation, le fait que l'iftirash est légiféré pour le prieur. L'iftirash, c'est-à-dire d'allonger son pied gauche et de placer droit son pied droit. Et ceci dans les assises autres que le dernier tashahhud. Car dans celui-ci, c'est-à-dire dans le dernier tashahhud, l'assise qui est recommandée est at-tawarruk. Et l'on verra par la suite ce qu'est at-tawarruk. Et pour le décrire maintenant, tawarruk, c'est le fait de s'appuyer sur sa cuisse gauche en passant son pied gauche, sous son tibia droit, et le pied droit étant droit. Qui peut nous montrer tawarruk? Fadal Bachir. Là, donc on est allongé, on est appuyé sur la cuisse gauche. Et le pied droit passe sous le tibia droit, et le pied droit est positionné debout, les orteils dirigés vers la qibla. C'est at-tawarruk, c'est l'assise qui est recommandée lors du dernier tashahhud. Et al-iftirash, c'est le fait de s'appuyer sur son pied gauche qui est allongé, à même le sol, et de placer son pied droit, les orteils dirigés vers la qibla. Ce qu'on appelle l'iftirash. Et il dit, rahimahullah, et l'iftirash et al-tawarruk sont propres aux hommes et non pas aux femmes. Et la preuve est ce que a rapporté Abu Daoud dans ses marasil, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux femmes qui priaient, et leur a dit: lorsque vous vous prosternez, réunissez فَضُمَّ بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى بَعْضٍ, c'est-à-dire fermez vos cuisses, car la femme n'est pas dans cela comme l'homme. Hadith rapporté par Abu Daoud, et الحقيقة c'est un hadith qui a été jugé faible par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Da'if al-Jami' le hadith numéro 544, et dans As-Silsila al-Da'ifa, le verset 26-52. Et c'est l'avis de Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullahu ta'ala, en considérant ce hadith bon. Tasi'an, annahyu an mushabahati ash-shaytan fi julusi, wa dhalika bi an yajlisa ala aqibayhi, ويفرش قدميه على الأرض وينصبهما ويجلس بينهما على الأرض أو ينصبهما ويجلس على عقبيه. قال في شرح منتهى: وكلتا الجلستين مكروه. Neuvièmement, l'interdiction de ressembler au diable dans l'assise, et ceci en s'asseyant sur les deux talons et en allongeant les deux pieds à terre, ou de positionner droit les pieds et de s'asseoir entre les deux par terre. On l'a dit la semaine dernière, le fait de placer ses fesses à même le sol en ayant les deux pieds droits, les orteils dirigés vers la qibla. Ceci est la deuxième assise qui est déconseillée, car elle fait partie des assises du diable. Ou bien de placer ses pieds droits et de s'asseoir sur ses talons. Et on a vu que cette position, la semaine dernière, était autorisée quand? Baina As-sajdatayn, entre eux, les deux sajdas. Qui veut nous montrer ces trois assises? Fadal, monsieur. La première, comme l'a dit Cheikh, يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض. De s'asseoir sur ses talons et d'allonger ses deux pieds à même le sol. Non, les pieds allongés. Voilà, et de s'asseoir sur les talons. Voilà. Moi je la connais, c'est aux frères qu'il faut montrer. La qibla en plus elle est là, Béchir. C'est déconseillé, mais l'avis de Cheikh Al-Bassam, c'est que cela est interdit. Un nahyu, une interdiction. Ensuite, la deuxième, c'est de placer ses pieds droits, les orteils dirigés vers la qibla, et de s'asseoir entre les deux. Non. Qu'est-ce qui n'arrivait pas la semaine dernière? C'était toi. Donc en fait, de poser les fesses entre les deux jambes lorsque les pieds sont levés. Et la troisième, c'est de s'asseoir sur les talons, les deux pieds debout. Voilà. Ceci. Et c'est une position qui est autorisée uniquement entre les deux prosternations. Wallahu a'lam. عاشرا النهي عن مشابهة السبع في افتراشه وذلك بأن يبسط المصلي ذراعيه على الأرض في الأرض بأنه عنوان الكسل والضعف. Dixièmement, l'interdiction de ressembler aux animaux féroces dans leur façon de s'asseoir ou de s'allonger. وذلك, et ceci, lorsque le prieur pose ses avant-bras à même le sol, car c'est un signe de fainéantise et de faiblesse. Montre Bachir ce qu'il ne faut pas faire. Naam. Akada. Ihda achar wujubu khatmi s-salah bit-taslim wa huwa du'a'un lil-musallin wal-hadirin wal-ghaibin as-salihin bis-salamati min kulli shurur wal-naqais. Onzièmement, l'obligation de clôturer la prière par le taslim. Et le taslim, comme le dit Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, c'est une invocation pour le prieur, pour ceux qui sont présents, comme pour ceux qui sont absents parmi les vertueux, en demandant à ce qu'ils soient épargnés, exemptés de tout mal et de tout défaut. Ikhtilaf al-ulama. الصحيح عند الوصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك. Il dit رحمه الله la divergence des savants. L'authentique, ce qui est authentique chez الوصوليين, c'est-à-dire les savants de أصول الفقه, des règles qui régissent la jurisprudence musulmane, et que les actes et les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prouvent pas l'obligation, mais elles prouvent le caractère préférentiel, sauf s'il y a ce qui prouve que c'est une obligation. وهذه الأفعال والأقوال الموصوفة في هذا الحديث تدل على الوجوب باقتران حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. Et tous ces actes et toutes ces paroles qui ont été décrites dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve l'obligation. La règle, on a dit, c'était quoi? Que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prouvent pas l'obligation tant qu'il n'y a pas un texte qui vient le prouver. Et Cheikh Al-Wassam dit, les actes et les paroles décrites dans ce hadith prouvent l'obligation. Et quelle est le hadith qui nous prouve que c'est une obligation? C'est la parole du prophète sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, muttafaqun alayh. Priez comme vous m'avez vu prier, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa hada al-aslu fiha, walakin yujadu fi wujub ba'dha khilaf bayn al-ulama li ta'arud al-adilla. Donc ceci est la base dans la prière, c'est-à-dire que tout ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière est une obligation, ça c'est la base, mais il y a dans certains faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam une divergence des savants quant à leur obligation, quant à son obligation, et ceci de fait qu'il y a plusieurs preuves qui sont rapportées concernant ce fait et qui laisseraient croire ou qui pourraient être compris comme n'étant pas obligatoire. فمن ذلك التشهد الأول والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين فقد ذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وداود وأبو ثور والشافعي في إحدى روايتين عنه إلى وجوبهما مستدلين بأحد الأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد أخير فمنها هذا الحديث الذي معنا ومنها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه النسائي ورواه الإمام أحمد من طرق رجالها ثقات وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. Et parmi ces actes dans lesquels les savants ont divergé, il y a le premier tashahhud et le fait de s'asseoir pendant celui-ci. Le premier tashahhud, qu'est-ce qu'il veut dire par là, le cheikh? C'est التحيات. Et al-julu, cela, c'est le fait de s'asseoir pendant le tashahhud. Les savants ont divergé sur le premier tashahhud et le fait de s'asseoir pendant celui-ci dans une prière qui contient deux tashahhud. Donc ça peut être soit la prière de l'Maghrib ou soit la prière de al-Isha ou al-Dhuhr al-Asr. Ou une autre prière surérogatoire où il y a 4 rak'ah. C'est possible ou pas ça? Al-Witr, il y a combien de tashahhud dans le Witr? Il n'y en a qu'un. Donc il n'y a que les prières que l'on a citées. فذهب الإمام أحمد, donc l'avis de l'imam Ahmed, de Layth, de Ishaq, de Dawood, de Abu Thaw et de Shafi'i dans une des deux versions, et que cela est obligatoire. C'est-à-dire que le premier tashahhud et le fait de s'asseoir pendant celui-ci est obligatoire. Et ils ont pour preuve des hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporté par al-Nasa'i et l'imam Ahmed. Et le hadith a été authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque tu t'assieds à chaque deux unités de prière, dit At-Tahiyatu Lillah ila akhirih. Wa dhahab al-a'immatu Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i fi riwayat al-ukhra anhu ila istihbabiha. Wa daliluhum anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tarakahuma sahwa wa lam yarji' ilayhima wa lam yunkir 'ala as-sahabati hina tabi'uhu 'ala tarkihima wa innama jabaruhuma bi sujudi as-sahw. Wal jawabu أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلي قبل أن يتعمد قائما لما روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهو وسجود السهو يجبر الواجب والمسنون. Donc avis des premiers savants, c'est que le premier tashahhud et le fait de s'asseoir pendant celui-ci est obligatoire. Et la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, comme je l'ai dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous vous asseyez toutes les deux raka'at, alors dites at-tahiyat. » Et les autres imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i, dans une autre version d'après lui, disent que cela est préférable. Et leur preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé par distraction le premier tashahhud et n'est pas revenu pour le faire. Et il n'a pas fait de reproche aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils l'ont suivi, mais il s'est contenté de rectifier cela en faisant les deux prosternations de la distraction. Et le hadith est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'Asr ou de Dhuhr, et de la deuxième raka'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé directement à la troisième. Et il n'a pas fait le tashahhud et il n'est pas redescendu sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin de la prière, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a fait deux prosternations de distraction avant ou après? Avant le taslim. Et les savants disent cela est une preuve que ce n'est pas une obligation. Car si c'était une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait revenu. Et la réponse, comme le dit Cheikh al-Bassam, la réponse à cela est que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas revenu, c'est-à-dire au tashahhud et au fait de s'asseoir pendant celui-ci, que cela est obligatoire lorsque le prieur s'en rappelle avant d'être complètement debout. Et la preuve est le hadith d'Abu Daoud, et le hadith rapporté par Abu Daoud selon Al-Mughir ibn Shu'bah qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Lorsque l'un d'entre vous se lève après la deuxième unité de prière, c'est-à-dire s'il se lève après avoir accompli la deuxième unité de prière, autrement dit sans avoir fait le tashahhud, « Falam yastatim maqa'iman falyajlis » S'il n'est pas complètement debout, alors qu'il s'assied. فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ Mais s'il est complètement debout, alors qu'il ne s'assied pas et qu'il fasse les deux prosternations de la distraction. Et l'imam Al-Bassam, rahimahullah, dit « Et la prosternation de la distraction répare à la fois l'obligatoire et le recommandé. » Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas assis lorsqu'il a, par distraction, oublié de s'asseoir pendant le tashahhud, le premier tashahhud, le fait qu'il n'est pas revenu, est-ce que ça est une preuve que ce n'est pas obligatoire? Non, car la prosternation de la distraction répare à la fois l'obligatoire et le recommandé. واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس فذهبت الحنفية إلى الافتراش في جميع جلسات الصلاة سواء بين السجدتين أو التشهدين الأول أو الأخير ويقابلهم المالكية فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو كان بين السجدتين وذهبت الشافعية إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين وإلى التورك في التشهد الأخير سواء أكانت الصلاة ثنائية أم كانت أكثر من ذلك وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد وإلى التورك في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين طيب Et il dit, rahimahullah, ils ont divergé sur la description ou de comment, de ce qui est préférable comme assise, c'est-à-dire pendant la prière. Al-Hanafiyya disent qu'il faut faire al-iftirash dans toutes les assises de la prière, que ce soit entre les deux sajdas, que ce soit pendant le premier tashahhud ou pendant le dernier tashahhud. Donc ils disent, eux, qu'il faut tout le temps faire al-iftirash. Iftirash, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le fait de s'asseoir sur son pied gauche allongé et de positionner droit son pied droit. Et Al-Malikiyah, eux, voient qu'il est autorisé et légiféré de faire le tawarruk dans toutes les assises de la prière, que ce soit pendant les deux tashahhud ou que ce soit entre les deux prosternations. Pour eux, c'est, pour Al-Hanafiyya, c'est Al-Iftirash tout le temps. Pour Al-Malikiyya, c'est Al-Tawarruk tout le temps. وذهبت الشافعية et الشافعية eux considèrent que l'iftirash a lieu pendant le premier tashahhud des prières qui ont deux tashahhud et le tawarruk dans le dernier tashahhud que cette prière soit de deux unités de prière ou plus. Al-Shafi'iyya, eux, disent donc que l'iftirash a lieu uniquement pendant le premier tashahhud. Et que le tawarruk a lieu dans le dernier tashahhud. Que ce soit le dernier tashahhud d'une prière de 3 raka'at, 2 raka'at, 3 raka'at ou 4. C'est clair? Donc pour eux, à tawarruk, tu peux le faire, par exemple, lors de la dernière raka'at de salat al-subh. D'accord? Et pareil, lors de la dernière raka'at de salat al-maghrib et de salat al-isha, wal-asr, wal-zuhr. وذهبت إلى الحنابلة eux considèrent comme الشافعية que l'iftirash se fait pendant le premier tashahhud et également pendant le dernier tashahhud mais à condition que ce soit une prière de qui comporte deux tashahhud, autrement dit la prière de l'maghrib ou la prière de dhuhr, de l'asr et de Al-Aisha. C'est clair ou pas? طيب ودليل الحنفية ما رواه سعيد بن منصور عن وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها وما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى وبما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. La preuve de Al-Hanafiyya. Al-Hanafiyya, on a dit qu'ils disent qu'il y a l'iftirash dans toutes les assises de la prière. La preuve de Al-Hanafiyya est ce qui est rapporté par Saïd ibn Mansour selon Wa'il ibn Hujr, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « J'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il s'est assis et a fait le tashahhud, il a allongé son pied gauche à même le sol et s'est assis dessus, c'est-à-dire sur le pied gauche. » Et ceci est la description de l'iftirash, une partie de la description de l'iftirash. Car à l'iftirash, il faut que le pied droit soit droit. Et ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, selon Rifa'a ibn Rafi'a, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au bédouin, lorsque tu t'assieds, assieds-toi sur ton pied gauche. Et ce qui est rapporté par At-Tirmidhi et qu'il a authentifié, dans le hadith d'Abi Humayd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis, c'est-à-dire pendant le tashahhud, et il a allongé son pied gauche et a mis le dessus de son pied droit en direction de la Qibla. Et le dessus du pied droit en direction de la Qibla ne peut avoir lieu que lorsque le pied est tenu droit. Donc ceci est la preuve de Al-Hanafiyya que l'iftirash a lieu dans toutes les assises. Car le prophète sallam a dit, entre autres, aux bédouins, lorsque tu t'assis, c'est-à-dire, quel que soit l'endroit ou le moment où tu t'assis dans la prière. وأما صفة الجلوس بين السجدين فهو الافتراش عند الشافعية والحنابلة. Et quant à l'assise entre les deux sajdah, c'est الافتراش chez الشافعية والحنابلة. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن رواتها ذكروا الافتراش للتشهد ولم يقيدوه بالأول فاقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرها يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعا. Et la preuve de Al-Hanafi dans les hadiths cités est que le tashahhud qui a été cité n'a pas été précisé. On pourrait comprendre donc de cela, que cela concerne les deux tashahhud, à savoir le premier comme le dernier. ودليل المالكية ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا رواه أحمد في مسنده قال الهيثمي ورجاله موثقون ودليل الشافعية والحنابلة. Et la preuve de المالكية qui disent que l'on fait à tawarruk dans toutes les assises. La preuve de l'Malikiya est ce qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait au milieu de la prière et à la fin de celle-ci en faisant le tawarruk. Hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad et Al-Haythami a dit wa rijaluhu muwaffaqun. Et les rapporteurs sont dignes de confiance. ودليل الشافعية والحنابلة أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواياتها التشهد الأول حيث ورد في البخاري عن أبي حميد السعدي قوله فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وما ذكره مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى وفي حديث أبي حميد أيضا عند أبي حاتم في صحيحه وفيه حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه الأيسر متوركا. Et la preuve de Al-Shafi'iyya et de Al-Hanabila, qui sont d'accord sur le fait que le Tawarruk a lieu uniquement dans le dernier Tashahud et que l'Iftirash a lieu pendant le premier. Donc sur ça, ils sont d'accord. La preuve est que les hadiths qui parlent de l'Iftirash rapportent dans leur version qu'il s'agit du premier Tashahud. Il était rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Humayd al-Sa'idi, qu'il a dit, et lorsqu'il s'est assis à la dernière raka'ah, qaddama rijlahu al-yusra, il a avancé son pied gauche, wa nasaba al-ukhra, et il a positionné droit l'autre, c'est-à-dire le pied droit, et il s'est assis et s'est reposé sur ala maq'adatihi, sur sa cuisse. Et ce qui est rapporté par Muslim dans le hadith de Abdullah ibn Zubayr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait son pied gauche entre sa cuisse et sa mi-mollet, et qu'il allongeait son pied droit. Hadith rapporté par Muslim. Donc l'autre façon de faire l'iftirash, c'est quoi? Afwan, al-tawarruk. C'est la même que al-tawarruk, le fait de passer le pied gauche sous le tibia, et ici dans le hadith, entre la cuisse gauche et la mi-mollet gauche. Autrement dit, lorsque le genou est plié, le pied gauche se trouve bien entre la cuisse et la mi-mollet. Et il allongeait son pied droit. Donc, il est autorisé d'allonger le pied droit ou de le positionner droit. Et dans le hadith d'Abi Humayd également, selon Abi Hatim dans son Sahih, il dit, jusqu'à être arrivé à la sajda qui comporte le taslim. Autrement dit, la dernière sajda, il sortait alors son pied gauche et s'asseyait sur son côté gauche en faisant le tawarruk. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ibn Khuzaymah. Donc, c'est la preuve de Al-Shafi'iyya et Al-Hanabila. ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. فالشافعية يرون أن فيه التورك. أن فيه التورك لأن قوله في حديث أبي حميد فإذا جلس في الركعة الأخيرة إلى آخره عام في الجلوس الأخير كله سواء كان في صلاة ثنائية أو غيرها والحنابلة يقولون إن التورك خاص بالتشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين ويروون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه ثم ذكر التورك وقصد به التشهد الأخير وعلل لذلك بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين ليكون فرقا بين الجلوسين. Donc, Shafi'iyya ou Al-Hanabila sont d'accord sur que l'iftirash a lieu pendant le premier tashahhud et que le tawarruk a lieu pendant le dernier. Là où ils ont divergé, c'est est-ce que le tawarruk se fait dans les prières qui comportent un tashahhud ou est-ce qu'il se fait dans les prières qui comportent deux tashahhud. C'est là où il y a la divergence. Al-Shafi'iyya, eux considèrent que le tawarruk a lieu même lorsqu'il y a dans la prière qu'un seul tashahhud. Et leur preuve est le hadith d'Abi Humaid lorsque il a dit et lorsqu'il s'est assis dans la dernière rak'ah. La dernière rak'ah, on comprend que ça peut être la dernière rak'ah d'une prière qui comporte un tashahhud comme deux tashahhud. Et ceci, naam. Et Al-Hanabila, eux disent que le tawarruk est propre au dernier tashahhud, lorsque la prière en comporte deux. Et la preuve est que dans le hadith d'Abi Humaid, il a cité la description de la première assise dans le premier tashahhud et le fait de se lever, puis il a cité le tawarruk. وَقَصَدَ بِهِ التَّشَهُدَ الْأَخِيرِ. Puis il a cité le tawarruk en voulant dire le dernier. Mais le fait qu'il ait cité le premier tashahhud et le fait de se lever de celui-ci après celui-ci prouve qu'il s'agit d'une prière qui comporte deux tashahhud et ainsi ils ont différencié entre les deux assises. وإذا كان مفترشا في الأول صار مستعدا للقيام متهيئا له أما الثاني فيكون فيه متوركا لأنه مطمئن. Et également parmi leurs preuves, c'est que lorsqu'il est muftarish dans le premier tashahhud, alors il se prépare, son assise le prépare à se lever à la troisième. Alors que dans le deuxième tashahhud, le dernier, il est mutawarrik, c'est-à-dire qu'il est dans une posture de confort. Est-ce qu'il est plus facile de se lever en étant muftarish ou en étant mutawarrik? Hein? Muftarish. Cela aussi fait partie de la preuve. ورجح ابن القيم هذا الافتراش في زاد المعاد ولكن رد قوله الشوكاني في نيل الأوتار والله أعلم. Al-Imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, a renforcé cet avis en disant que l'iftirash a lieu dans le premier tashahhud. Et Al-Imam al-Shawkani, rahimahullah, lui a répondu dans son livre Nail al-Awtar, Wallahu A'lam. C'est un sujet de divergence entre deux grands savants, qu'Allah Azza wa Jalla leur fasse miséricorde. وأفضل التشهد تشهد عبد الله بن مسعود وهو أصحها ولذا فقد أجمع العلماء على اختياره وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et le meilleur des tashahhud est le tashahhud d'Abdullah ibn Mas'ud, et c'est le plus authentique. Et c'est pour cela que les savants sont unanimes dans son choix. Et sa description est de dire « At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wa-t-tayyibat, as-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. C'est un tashahhud que tout le monde devra apprendre la semaine prochaine, car tout le monde est concerné. وأجمع العلماء على مشروعية التسليم ولكن اختلفوا هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة والصحيح أن المشروع تسليمتان لصحة أحاديثهما وضعف أحاديث التسليمة الواحدة وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافي والزيادة من الثقة مقبولة. Et les savants sont unanimes sur le fait que le taslim est légiféré. Mais ils ont divergé sur le nombre de taslim. Est-il légiféré ou sont-ils légiférés les deux taslim ou un seul taslim? Et ce qui est le plus authentique est que ce qui est légiféré, ce sont les deux taslim. Car les hadiths qui les rapportent sont authentiques. Et les hadiths qui rapportent un seul taslim sont faibles. Et en supposant l'authenticité des hadiths qui parlent d'un taslim, alors la réponse serait de dire que les hadiths qui parlent de deux taslim apportent un plus qui ne contredit pas. Et l'ajout ou l'information complémentaire rapportée par un digne de confiance est acceptée. Par un digne de confiance, bien sûr, parmi les rapporteurs du hadith. Donc l'avis de Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, est qu'il n'y a que deux taslim et pas un seul. Et même si le hadith d'un seul taslim est authentique, eh bien, il n'y aurait pas de contradiction avec le hadith qui parle de deux. À Kulihal, Cheikh Al-Bani, rahimahullah, lui, authentifie le hadith avec un seul taslim à droite, et il dit, rahimahullah, entre autres, que le musulman a le choix de faire un seul taslim ou d'en faire deux, et le mieux, selon l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, est de faire de temps en temps celui-ci et de temps en temps l'autre, et de faire plus souvent les deux taslim qu'un seul, wallahu a'lam. واختلفوا في وجوب التسليم فذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه مستدلين بما خرجه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته واستدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم وأجيب بأن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على ضعفه وقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب فإنها زيادة وهي مقبولة وذهب جمهور الصحابة والتابعين من أصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وبما ثبت عند أصحاب السنن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Et les savants ont également divergé sur l'obligation du taslim. Al-Hanafiyya sont de l'avis que cela n'est pas obligatoire. Et ils ont pour preuve le hadith d'Abdullah ibn Umar, rapporté par At-Tirmidhi dans ses sunan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam se relève, lève sa tête de la prosternation, et s'assied, puis perd ses ablutions avant le taslim, alors sa prière est complète. Lorsque l'imam lève sa tête de la prosternation et s'assied, puis perd ses ablutions avant le taslim, alors sa prière est complète. De ce hadith, on en déduit que le taslim n'est pas obligatoire. Et ils ont aussi pour preuve le hadith de l'Moussi fi salatih, de celui qui a mal fait sa prière devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam à trois reprises lui a dit « Retourne prier car tu n'étais pas en train de prier. » Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué comment faire la prière lorsque cet homme a dit « Ô envoyé d'Allah, ma uhsinu ghayraha, ô envoyé d'Allah, je ne sais pas faire mieux que la prière que j'ai faite à trois reprises. » Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué comment faire la prière. Et beaucoup de savants considèrent que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme de faire dans sa description de la prière est obligatoire. Et certains ont dit tout ce qui ne fait pas partie de ce hadith n'est pas obligatoire. Et justement, Al-Hanafiyya, eux, utilisent pour preuve que At-Taslim n'est pas obligatoire car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à celui qui a mal fait sa prière de faire le Taslim. Alors que le fait de dire que tout ce qui n'est pas dans les hadiths de Moussi Salatahu n'est pas obligatoire, n'est pas l'avis de la plupart des savants. Par contre, que tout ce qui est dans ce hadith est obligatoire est l'avis de la plupart des savants. Et il a été répondu à ces deux arguments. Premièrement, que le hadith d'Abdullah ibn Omar, rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'imam se relève de la prosternation puis qu'il perd ses ablutions avant le taslim, que sa prière est complète, que les huffad, c'est-à-dire les savants qui ont les savants du hadith, sont d'accord sur le fait que ce hadith est faible. Et entre autres, Cheikh l'Albani, rahimahullah, considère ce hadith faible. Et l'imam Tirmidhi a dit, concernant la chaîne de transmission de ce hadith, que ce n'est pas une chaîne de transmission qui est forte. Et quant au hadith de l'Moussi, le hadith de l'homme qui a mal fait sa prière, cela ne contredit pas l'obligation, car l'obligation du taslim a été rapportée dans d'autres hadiths, et le fait d'apporter une nouvelle information doit être prise en compte, surtout si celle-ci nous est parvenue à travers une chaîne de transmission authentique. Et la majorité des compagnons et des tabi'in et de ceux qui ont suivi les madahib comme al-Shafi'iyya et al-Hanabila sont de l'avis que cela est obligatoire. Et ils ont pour preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait le taslim pendant sa prière. En ajoutant à cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier, et ce qui est rapporté également d'après dans les sunan, entre autres les sunan de Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui la rend interdite, c'est-à-dire ce qui rend interdit pendant la prière, ce qui n'est pas interdit en dehors de celle-ci, c'est le takbir, et ce qui l'autorise, c'est-à-dire ce qui autorise les choses interdites pendant la prière, eh bien c'est le taslim. Et ceci est une preuve également que le taslim est une obligation, et c'est l'avis le plus fort des savants. Wallahu a'lam. Wa naktafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.